de se sentir. Je cherchais cet enfant, mais auprès de ce chêne, voyant briller une fontaine, j'ai quitté mon chemin pour venir y puiser dans le creux de ma main. Thank you. Que le lance et lui plaire, la Ces jours d'alarme,